Bosco Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le prix de 6000 francs burundais pour le kilogramme de sucre Sosumo reste élevé, se plaignent certains habitants du quartier 5 à Ngagara. Au parti Kodebou, l'on craint qu'il ne soit déversé dans des emballages de sucre importés et vendus comme tel. Vous les entendrez. L'eau du lac Tanganyika n'est propre ni à la consommation ni au lavage, préviennent les responsables administratifs à Rumonge, à l'endroit de la population riveraine de ce lac Tanganyika, et qui pensent que cette eau peut les aider à faire de la propreté afin de lutter contre les maladies des mains sales. Et à Kayanza, une école transformée en un stock de graines de maïs fait grincer les dents des habitants de la colline Kavoga en commune Muruta, alors qu'ils ont contribué dans sa construction. Cet établissement reste non fonctionnel depuis 8 ans. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les habitants de la colline Kavoga, en commune Muruta de la province Kayanza, se plaignent de voir qu'une école pour laquelle ils ont contribué dans sa construction n'a pas ouvert ses portes depuis 8 ans. Ils regrettent qu'elle serve aujourd'hui au stockage des graines de maïs, alors que leurs enfants parcourent de longues distances pour aller aux autres écoles des collines environnantes. Ils demandent que cet établissement scolaire soit fonctionnel. Oda Sachimana, administrateur communal de Muruta, indique que cette école sera transformée en un centre d'enseignement des métiers. Patrick Saint-Guillaume. Les habitants de la colline Kavoga, en commune Muruta de la province Kayanza contactée, disent qu'ils ont donné des contributions depuis l'achat du terrain dans lequel est construite cette école, aussi dans sa construction, mais que l'école ne fonctionne pas depuis 2016. Ils disent que si l'école serait fonctionnée, non seulement leurs enfants étudieraient près de leur famille sans parcourir de longues distances, mais aussi leurs enfants qui ont terminé l'école seraient embauchés à cet établissement scolaire. Les habitants de cette colline se lamentent comme quoi, s'ils demandent aux autorités administratives et des questions en rapport avec cette école, on ne leur donne pas de réponses claires. Les habitants de la colline Kavoga demandent que cette école commence à fonctionner afin de faciliter leurs enfants scolarisés à étudier près de leur famille. Interrogé à ce propos d'Asiachimana, administrateur communal de Muruta, celui-ci nous a fait savoir qu'il n'y a pas de problème de salle de classe dans cette commune. Cette autorité administrative à Muruta indique que cette école sera bientôt transformée en un centre d'enseignement des métiers. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Après les élections de 2025, les provinces et les communes du pays seront dirigées par des femmes et hommes capables. C'est la réponse du ministre de l'Intérieur ce vendredi lors des questions orales à la Chambre basse du Parlement quand la commission permanente en charge de la jeunesse présentait son rapport. Le ministre Niteretse répondait aux inquiétudes des députés sur la gestion des communes qui seront vastes après la mise en application du nouveau découpage administratif au moment où le rapport de l'état actuel des communes n'est pas du tout reluisant. Évariste Nzikobanyana. Se basant sur les rapports de la Cour de compte très accablants, les députés trouvent que cette mauvaise gestion de certaines communes à l'état actuel fait suite à l'incompétence des administratifs. Le député Agathon Rwasa demande ce que l'autorité compétente hiérarchique est en train de faire pour ne pas produire les mêmes rapports après avoir mis en application le nouveau découpage administratif. Aujourd'hui, les communes sont de petites étendues, mais quand elles seront de grandes étendues, ça sera le pire. Les rapports que nous percevons aujourd'hui sont accablants. Il faut que les concernés s'y penchent déjà. À ce sujet, le ministre de l'Intérieur tranquillise les députés. Martin Niteretse explique qu'après les élections de 2025, les communes seront dirigées par des femmes et des hommes compétents. Une retraite gouvernementale a été organisée. Le chef de l'État a donné une orientation à ce sujet. C'est-à-dire que ce sont ces directeurs généraux qui seront des administrateurs et gouverneurs. Et il faut qu'ils soient mis sur les listes électorales. Il faut des gens qui ont des compétences. Les membres de la Chambre basse du Parlement trouvent que ces rapports accablants sont aussi signalés au niveau de certains ministères, indique le député Leondas Nakumuryango. On croyait que les choses n'allaient pas au niveau des communes suite au manque de compétences. mais l'on constate que la situation est ainsi au niveau de certains ministères. La Cour des comptes montre toujours des rapports accablants. Quel est votre commentaire? À cette préoccupation des députés, le ministre de l'Intérieur ne passe pas par quatre chemins pour répondre. Je tranquillise les députés. Il y a ce qui échappe, les administrateurs et leurs collègues, mais je ne peux pas dire que tout est noir. Le travail des organes de contrôle et d'audit font un travail universel et ils ne travaillent pas sur ce qui est positif, mais travaillent sur le négatif sur lequel ils dégagent de recommandations. En ce qui est préparatif des élections de 2025, où certains administratifs seraient en train d'octroyer des cartes nationales d'identité aux enfants de 14 ans, le ministre de l'Intérieur demande aux détenteurs des preuves de les présenter pour que les auteurs soient punis conformément à la loi. Certains habitants du quartier 5 en zone Ngagara apprécient la réduction du prix du kilogramme de sucre Sosumo jusqu'à 6 000 francs burundais, même s'ils considèrent qu'il reste élevé par rapport à leur pouvoir d'achat. Ils indiquent qu'ils ont des craintes que ce prix reste inchangé, car une grande partie du sucre qui se vend aujourd'hui sur le marché est importée. Ils demandent à ce que ce prix soit encore révisé pour qu'il n'y ait plus de grogne. Je trouve que le prix du kilo de sucre reste toujours élevé, malgré qu'il a été revu. Je suggère qu'on le baisse jusqu'à 4 000 pour que si un simple citoyen veut acheter un demi-kilo, l'achète à 2 000 francs. Le fait qu'ils aient baissé ce prix de 8 000 francs à 6 000 francs burundais est une bonne chose. Mais considérons d'où nous sommes partis, avant le kilo était à 3 500 francs et a été rehaussé jusqu'à 8 000 francs. Si on considère le pouvoir d'achat de la population burundaise, même maintenant, il reste élevé. Rien n'a changé. La situation reste floue car on n'a pas diminué le prix du sucre importé. Comment est-ce que nous allons reconnaître qu'on est en train de vendre le cycle de la Sosumo ou le cycle importé? Que le gouvernement trouve comment arranger cette situation. Je dirais qu'ils n'ont pas diminué le prix du sucre. Je l'affirmerai quand on permettra aux détaillants de s'approvisionner chez un grossiste pour qu'ils puissent vendre un demi-kilo ou autre. Aujourd'hui, on exige un cahier. Qu'ils envisagent comment trouver une solution à ce problème en se référant au pouvoir d'achat des Burundais. Je demande qu'ils fassent une diminution significative pour que chaque citoyen ait accès à ce produit. Par exemple, nous avons des enfants qui sont censés prendre le thé le matin. Maintenant, ils ont été contraints de laisser tomber le petit déjeuner à cause de ce prix. Le président du parti Kodebou, Iragiliyanda Daye, estime que le gouvernement est allé à la va-vite dans la libéralisation du commerce du sucre. Kefa Niwizi craint que le sucre Sosumo soit vidé dans des emballages de sucre importé et vendu comme tel. Il suggère plutôt au gouvernement de doter la Sosumo des moyens suffisants pour augmenter la production. On l'écoute. Nous avons entendu hier que le ministère du Commerce a fixé le prix du sucre à 6 000 francs le kilo. C'était après la fixation du prix du sucre à 8 000 francs le kilo par la Sosumo. Une élévation du prix qui avait été critiquée par le chef de l'État. Malheureusement, le prix du sucre avait resté pendant un certain temps à 8 000 francs, malgré les critiques de son excellence, monsieur le président de la République du Burundi. À partir de là, on se demande d'abord qui a la latitude de fixer le prix du sucre, malgré que le chef de l'État critique l'inutilité de prix, mais cela reste toujours maintenu pendant à peu près des mois. Mais aussi, on constate que malgré que le ministère a revu à la baisse, le prix du sucre reste toujours élevé et probablement qu'il n'est pas même conforme à la capacité d'achat de la population. Donc, il s'agit d'une structure qui devrait indiquer quelles sont les références qui ont été considérées. Il y a un risque qui revient concernant le prix du sucre importé qui reste toujours élevé. Et on se demande si on ne va pas acheter le sucre de la Sosomo pour le vendre en tant que le prix importé à un prix très élevé. Donc, nous inviterions le gouvernement et certainement qu'il doit fixer le prix en se référant sur le coût de production, mais aussi il doit se référer sur la capacité d'achat de la population. Deuxièmement, nous pensons qu'il faut ce soir la mesure de libéralisation et du prix du sucre pour éviter que les prix soient insupportables pour la population, mais aussi pour diminuer les risques de spéculation pour le sucre produit localement qui pourrait être vendu comme celui importé. La population riveraine du lac Tanganyika pense que l'eau du lac peut les aider à faire de la propreté afin de lutter contre les maladies des mains sales. Les enfants de la zone Magara en province Rumonge qui se sont entretenus avec nos confrères sont convaincus que se baigner dans le lac leur permet d'enlever la saleté de leur corps. Toutefois, leurs parents indiquent qu'ils doivent se rassurer que les enfants se lavent convenablement arrivés à la maison. Les responsables administratifs appellent plutôt la population à éviter d'utiliser l'eau du lac car elle n'est pas propre. Un reportage de Francine Ndiokougaï. Ces enfants habitent aux environs de la plage de pêche de Magara, à l'endroit communément appelé Kuitada. Pour eux, se baigner dans le lac permet non seulement de se détendre, mais aussi d'enlever les saletés afin d'éviter les maladies liées au manque d'hygiène. Si tu reviens d'être travaux champêtres ou des autres activités quotidiennes et que tu as envie d'être propre, tu viens ici pour te laver. Par exemple, moi j'étais entré de ma mère dans les champs et je voulais me mettre plus à l'aise. Cela nous aide à nous protéger contre ces maladies comme le choléra et d'autres maladies parce que l'eau du lac Tanganyika est propre. Et c'est bien de l'utiliser car on a eu la chance de l'avoir gratuitement et nous l'avons en quantité suffisante. Tu peux rencontrer quelqu'un en cours de chemin qui n'est pas propre. Vous comprenez que s'il te touche, il te contamine directement ou bien la poussière peut te rendre sale. Tu dois aller te laver, puis te mettre du lait de beauté pour lutter contre le choléra, la dysenterie et la variole. Nous les enfants, nous avons l'habitude de jouer au ballon et nous avons souvent de la sueur. Avec cette saleté, il nous faut nous baigner pour nous en débarrasser. Et c'est ce que fait la majorité des enfants de la localité. Et par là, on évite d'être maladif. Mais ce parent admet que l'eau du lac est sale et qu'ils doivent veiller à ce que les enfants se lavent avec de l'eau propre et du savon une fois arrivés à la maison. Beaucoup d'enfants viennent ici pour se baigner, mais l'eau du lac n'est pas pour autant propre. C'est une eau souillée, tout le monde fréquente ce lieu. Elle contient également des déchets. Ce que nous faisons pour nous prévenir contre ces maladies liées aux mains sales, nous évitons que les enfants, une fois arrivés à la maison, mangent sans se laver les mains avec de l'eau et du savon. Nous nous arrangeons aussi à ce que tous les ustensiles de cuisine soient propres parce que, vous savez, l'eau du lac ne les aide pas à enlever les saletés, c'est plutôt pour le plaisir parce qu'ils sont en groupe. L'administrateur de la commune Rumonge, Augustin Minani, indique qu'il rappelle chaque fois à la population que l'eau du lac n'est pas aussi propre qu'elle le croit et qu'il faut au moins la bouillir. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de lavage des mains au savon, le ministère de la Santé publique a déclaré dans un communiqué de presse que c'est l'occasion de sensibiliser le public sur l'importance d'avoir les mains propres pour lutter contre les maladies liées au manque d'hygiène au moment où le pays fait face à des épidémies de choléra et de variole du singe. Francine Ndihokubgayo de retour de Rumonge. Les agriculteurs de la province Ruyigui disent qu'ils ne reçoivent pas l'engrais chimique et les graines de maïs sélectionnées en quantité suffisante et craignent de marquer du retard pour le semis. Tabou Emerancienne, gouverneur de cette province, fait savoir que la distribution de l'engrais chimique et les maïs sélectionnés est en cours, précisant qu'elle donnera rapport au ministre de l'Agriculture si jamais toute la population n'est pas servie. Jean-Marie Vianney, Ngendakoumana. Les habitants de la colline Ndago se trouvant dans la commune Nyabitsinda de la province Ruyigui indiquent qu'ils obtiennent difficilement de l'engrais chimique dans cette saison culturelle A. Ferdinand Sinzoihebura, un des agriculteurs de cette localité, témoigne qu'à côté de cela, ils reçoivent ces fertilisants en quantité insuffisante. L'engrais chimique est venu, mais c'est à une petite quantité. Mais bientôt, on croit bien que l'engrais chimique va venir au temps parce que le temps nous aime peut-être l'engrais chimique va venir à une grande quantité. Mais pour le moment, quand le camion passe ici, transporter l'engrais chimique dans les hangars communaux ou bien dans les localités où ils ont préféré de mettre l'engrais chimique, en ce camion vraiment, une seule journée, le cultivateur est fini, c'est l'engrais chimique. Il déplore aussi que malgré l'obtention des jetons, il n'accède pas d'engrais chimique et souvent se termine sans être servi. Et aussi, il y a déjà, peut-être au poste ou à la COPEC ou d'autres microfinances, il retire les tickets. Quand il part au hangar, l'engrais chimique finit alors qu'il y a un petit masse de paysans. Il a eu la chance d'avoir les tickets, mais la chance de voir l'engrais chimique, il n'en a nombre. C'est le secteur les critères, même les grains de maïs sélectionnés qui ont été distribués dans cette localité restent insuffisantes. Il demande au ministère et à l'agriculture dans ses attributions de trouver solution à ce problème. À ce qui concerne les maïs sélectionnés venant de Zambie, que ces maïs sélectionnés sont venus mais à une petite quantité. Parce que avoir comment les cultivateurs attendent avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Considérez même le prix, c'est une petite prix. Un kilo ça coûte combien? 4 000 des. C'est que l'État puisse augmenter ces maïs sélectionnés afin que aussi les cultivateurs et les cultivatrices puissent avoir ces maïs sélectionnés à une grande quantité. De son côté, le gouverneur de la province Ruyigui, Tabo Emerancienne, affirme que les préparatifs de la saison culturelle A vont bon train, tout en précisant que la campagne de la distribution de l'engrais chimique et des grains de maïs sélectionnés est déjà en cours. Concernant la saison culturelle A, je dirais que nous sommes déjà prêts. L'engrais est déjà disponible, bien qu'il n'est pas encore parvenu dans toutes les zones. Nous faisons le tout possible pour qu'il parvienne à tous les cultivateurs de toutes les zones. Et j'ajouterai que les semences de maïs sont déjà disponibles dans différentes communes pour que ça soit distribué à tous les cultivateurs afin qu'il commence à semer. Le gouverneur Tabo Emerancienne indique que lorsque la quantité de cette distribution sera insuffisante, il va faire recours au ministère de l'Agriculture dans ses attributions afin de trouver solution à ce problème. Jean-Marie Vianney Ngendakoumana, de retour de la province de Ruyigui. L'augmentation de la population, voilà quelques éléments qui font qu'il y ait diminution de la production agricole. Analyse de Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parsem, en marge de la célébration de la journée de l'alimentation et de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, respectivement célébrées le 16 et le 17 octobre de chaque année. Il trouve que le pays devrait adopter une agriculture intensive et multiplier les recherches pour appuyer le secteur agricole en vie. Vue d'augmenter la production et lutter contre la pauvreté. Suivez-le. Aujourd'hui, après une bonne période, vous savez, le Burundi a connu une crise, il y a eu déjà une augmentation possible de la population, l'inflation alimentaire actuellement est de plus en plus alarmante, l'inflation globale est influencée par l'inflation des produits alimentaires, avec un rendement par hectare déjà en dessous de la moyenne subsaharienne. Tout cela renforce détériorer le pouvoir d'achat de la population et partant la pauvreté. Pour inverser la tendance, il faut agir sur le problème de l'accès à la terre. Maintenant, on a 0,5 hectare, presque même moins par ménage. Il faut une agriculture intensive. Mais malheureusement, aujourd'hui, des fois, l'engrais est insuffisant ou arrive tardivement. Les semences sélectionnées de même, il n'y a pas encore de mécanisation. La recherche pour appuyer le secteur agricole n'est pas là. La professionnalisation des acteurs, l'encadrement de la population n'est pas là. L'institution était au niveau institutionnel, il y a toujours l'improvisation des politiques, il y a la politisation, le manque de statistiques fiables pour suivre et la quantité produite, le financement du secteur, l'affectation budgétaire, tout cela avec et les problèmes de changement climatique qui compliquent la situation. Je crois alors qu'il faut agir sur ces facteurs pour que au moins la production puisse augmenter et cette inflation et partant la diminution de cette inflation pour que la population puisse avoir accès à l'offre alimentaire. Faustin Ndikoumane. Et en international, 7 personnes sont mortes et 6 autres ont été blessées après qu'un kamikaze a fait exploser un engin non identifié dans un café à l'extérieur d'une école de la police dans la capitale de la Somalie, Mogadiscio. C'est ce qu'a déclaré la police ce jeudi. Selon la police, parmi les victimes se trouvaient des officiers et des civils qui prenaient le thé à l'extérieur de l'Académie générale de police de Kahiyé. La Somalie a repris les responsabilités en matière de sécurité des troupes étrangères déployé dans le cadre de la mission africaine de transition en Somalie, dont le mandat s'achève en décembre 2024. Hors du continent, l'annonce par Israël jeudi 17 octobre de la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, tué lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza, marque un tournant dans la guerre déclenchée par l'attaque du mouvement palestinien contre Israël. Les Palestiniens et les familles des otages israéliens espère la fin du conflit qui dure depuis plus d'un an. Israël a annoncé ce jeudi 17 octobre que le chef du Hamas, Yahya Sinwar, considéré comme le cerveau derrière le 7 octobre l'année dernière, avait été tué lors d'une opération à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Le premier ministre Benjamin Netanyahou assurant que cette mort marquait le début de la fin de la guerre. À Gaza, le Hezbollah libanais a annoncé vendredi qu'il ouvrait une nouvelle phase d'escalade dans sa confrontation avec Israël, alors que l'Iran a déclaré que l'esprit de résistance serait renforcé après la mort de Yahya Sinwar. Des dirigeants occidentaux ont estimé que l'assassinat du chef du Hamas offrait l'opportunité de mettre fin au conflit, mais le premier ministre israélien a déclaré que la guerre n'était pas finie et qu'Israël avait toujours pour objectif de récupérer les otages. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à la technique. Au revoir.